Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé bien-être avec les secrets de Mathilde. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis à 8h et à 13h30. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un secret de beauté ancestral grâce à cette magnifique fleur qui est la rose. Appréciée dès l'Antiquité pour son parfum et sa couleur, la rose est l'une des plantes les plus cultivées au monde. À travers les siècles, la fleur a évolué et il en existe aujourd'hui plus de 3000 variétés. L'histoire de la rose est aussi vieille que le monde. Elle a été chantée par les poètes et honorée dans les livres sacrés. Connue pour être la reine des fleurs, son parfum était exclusivement réservé aux rois, aux temples et aux dieux. On aurait même retrouvé plusieurs bouquets de roses encore intacts déposés dans le sarcophage du pharaon Toutankhamon par son épouse il y a cela plus de 3000 ans. Ivresse, subtilité, féminité, l'eau florale de rose contient et diffuse toutes les vibrations énergétiques de la rose. Aussi agréable à regarder qu'à respirer, la rose dégage la joie, la beauté et l'énergie amoureuse. Cette fleur au parfum mythique et enivrant est un ingrédient majeur des soins cosmétiques. C'est pourquoi, ce matin, j'ai concocté mon eau florale de rose, made in Vosges, obtenue par infusion sans cuisson. Acné, peau sensible, yeux gonflés, j'ai la solution pour vous. Les propriétés de l'eau florale sont multiples. Elle va hydrater, revitaliser et lisser la peau, aider à guérir les cicatrices, les coupures, les blessures en renforçant les cellules de la peau. Idéale pour l'acné et l'eczéma, les peaux matures l'apprécieront quant à elle pour son action anti-vieillissement. Pour réaliser cette eau maison, vous avez besoin de pétales de rose, un peu d'eau douce, de la vitamine E, un vaporisateur, un bocal et une mini passoire. Le procédé se fait en seulement 5 étapes. Cueillir les pétales de rose provenant d'un rosier non traité, le tout avec douceur et amour, laisser tremper les pétales durant 24 heures dans une eau douce à l'abri de la lumière. 24 heures après, vous allez filtrer l'infusion dans un bocal à l'aide d'une petite passoire. Puis ajoutez 5 gouttes de vitamine E pour la conservation. Ensuite, vous allez transvaser une partie de l'eau dans un vaporisateur et l'autre dans un bocal que vous conserverez au frigo. Le vaporisateur a maintenant sa place dans votre salle de bain. Vous pourrez le recharger à votre guise avec le bocal qu'il vous restera dans le frigo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Créez votre petit rituel du soir et du matin en vous vaporisant de l'eau florale de rose. Si votre peau est très sèche, vous pouvez hydrater avec quelques gouttes d'huile végétale de votre choix. En plus d'avoir une superbe action sur la peau, son odeur apaisera vos tensions et vous aidera à trouver la paix intérieure. Ce rituel vous fera du bien, ce sera l'occasion de prendre un petit temps pour vous. Je vous laisse avec une petite citation de William Shakespeare. « Ce que nous appelons rose, sous un autre nom, sentirait aussi bon. » C'était l'instant Slow Cosmétique avec les secrets de Mathilde. Vous pouvez retrouver la recette sur mon site internet www.lessecretsdemathilde.com, rubrique blog. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.